au mic ou pas? Hein? Joule, tu te rappelles ou pas? Soirée platine, sans enseigne. Non, tu fais que je te renseigne. Rien à perdre, je m'y traille. C'est l'hiver, il caille. On rêve de Big Mike, comme le rappeur des Smiles. Je suis le game comme Hitman, Rafale comme Hitman. Quand j'étais à Nissan, qui font du bisal. C'est fun de mytho, ils tiennent pas une mi-temps. Sont fun de pipo, sont du mal en mi-temps. Là j'ai vite tout, 4 décembre j'ai nique tout. Tu sais pas pourquoi je nique tout, ben c'est que ma vie touche. Et puis moi en malheur, gros j'ai galère. Me demande pas l'air, dans mon cerveau c'est l'alerte. Tu manques de respect, comme ton Spiderman. Le retour de flamme risquerait de te faire mal. J'en ai pas marre de faire le faux cul et de faire le mal. Tu seras là l'enterrement ou quand tu iras super mal. Je me fous du people, je veux que des singles. En cache la deuxième pour topper le single. Ils veulent me tester, moi ton avis est-ce qu'ils me battent. Faut se méfier de celui qui a peur comme celui de Breaking Bad. Comme putain de cono, ça prend de l'or cono. Merci si chez moi cono, c'est plata au plomo. Oh non, j'aime faire des tours en moto. Si le rap c'est San Pedro, j'y mets celle à Rocco. T'as l'air de Rococo, tu traites du vent sur le nez, t'as surfé sur la coco. J'refuse pas une photo. Et si un jour je meurs, ben c'est la vie mon poteau. A chaque problème ça solution, faut galérer pour un salaire. Des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Serre-moi de la viande, du rosé dans la carafe. C'est pas en bouffant le cul d'une fille qu'on appelle la balafe. Même si ce n'est ta race, dans ma vie c'est pas rose. Y'a des gens qui t'arrosent pour sortir le gros gamos. Tu veux ma peau couilleuse, allez vas-y vamos. Fais gaffe, faut pas essayer de niquer la cause à nos. Et on tape, et après on constate. On a fait esprit de frapper, y'a pas on cherche le constat. Oh folle, arrête de faire le tapin. À force de trop douper, tu vas faire le coup du lapin. Je vais marquer l'histoire comme papin. Le but c'est d'être au terrain, pas dans les gradins. Je fume un gros pet, même sous la tempête. Les jaloux font plus de bruit qu'un pot de compète. Je les baise, les hup hup, la BKJC, je suis à l'aise. Quand toi tu cherches à me blesser, tiens c'est reste. On m'a dit que tu cherchais à me baisser, tu veux me tester. J'ai pas le temps, je suis trop pressé, plein de cesse. Je crois que les balles tu peux encaisser. Tu baisses tout le monde, gros tu prémédites ton décès. Restez vrai, j'essaie, beaucoup m'ont déçu. Beaucoup pour monter, voudront en sucer, c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça fait des blessures. À cause de toi, tes potes sont recherchés par la BSU. Sur le bitume, je perds gars. Mentalité, je perds pas. J'suis dans le game en ASIC, c'est encore en super gars. Ouais, je rappelle maintenant que t'as mandé la balle. Pourquoi il fait sa balle après? J'entends qu'il cavale. Des soucis, oui, j'en ai. J'suis venu fort comme jamais. J'm'occupe plus, t'es à moi, on va se croiser, nique sa mère. J'arrive plus à me détendre, si j'entends plus, j'suis dans mon monde. Oubliez-moi, j'crois qu'à faire entrer des sous dans mon compte. Beaucoup de traites disent la Honda, beaucoup sortent les armes, ça a rien de frappé comme d'un hangback. 2-3 heures je me chope, je mets les clés dans le contact. N'essaie pas de me faire un coup à la Stefano au Bontad. Tu me cherches, elles vont se croiser les montagnes. Je connais plein de gens qui veulent faire la soeur à Tony Montane. À la recherche de bandes pour Vendo, parce qu'on va rien faire avec un cran d'âge. Andale, c'est le rap pour les fous, les foutus de la life. Après tout je m'emballe, faut que je pimpe ma life. Ils me font trop rire, veulent faire la course en roller. J'étais en trottinette quand on était en runner. Je vends le bonheur. Avec une liasse dans ma poche, habillé grâce à cet ourdier. Avec mon Porsche, dédicace à mes potes et à mes proches qui m'ont suffi qu'à rien aller, ouais.